You're listening to Fragile Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis-Saint-Paul, and online at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM, à Minneapolis et à Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. So, wow, ce soir, je suis un peu tout seul. Tonight, I'm a little bit by myself. And that's okay. That's okay. So, I made it, which is a really good thing. And it wasn't too bad, actually. I mean, 94 was really cleaned up and I think it was, it was really decent. I mean, it was going slower than usual, no doubt about that, but there was no big slippery heels or things like that. On the way back, I will. And it sounds like tomorrow's going to be worse tomorrow night. So, well, hopefully tomorrow night will be okay for people who have to drive. Tonight, we were supposed to have a guest, but I thought it would be a better idea to have a guest next week, you know, when there's less chances of snow and fender benders and crashes. So that's going to be for next week. Her name is Tess, and she's with a company called CET USA, and they are doing an exchange program with kids, teenagers, between France and Minnesota. And so tonight we're going to start the show with three songs about Mardi Gras, because it's that time of year. And the New Riverside Ramblers are going to be at the Eagle 34 on Saturday celebrating Mardi Gras. So that's another opportunity. I'll give you more specifics a little bit later. But it's a good opportunity to listen to Cajun music. And after that, it's going to be about Black History Month. So a lot of songs about slavery and racism and that sort of thing. So all the songs are going to be in French. And if you go to kfai.org, not only you can listen to the show, but on the upper right side, you have a playlist button that gives you the opportunity to see the name and the title playing. All right. Well, now we're going to start with three songs, and as I was saying about Mardi Gras, the first one is from the band called the Pine Leaf Boys, and it's called Creole Mardi Gras. Then we're going to listen to Steve Riley and the Mamou Playboys with La Danse de Mardi Gras, and a song called Mardi Gras. It's a traditional Cajun song, but it's from Boris Viande, who's doing often some remix of traditional things. So, all right, on y va. Tony, Tony, So you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio every Tuesday, 8 to 10 p.m. And this is Freddie. Adrienne and Romain were not able to attend tonight, but they'll come back eventually. I'll let them. So we just listened to three songs to celebrate Mardi Gras. The first one is from the Pine Leaf Boys with Creole Mardi Gras. And then after that, it was Steve Riley and the Mamou Playboys. La Danse de Mardi Gras, or the Mardi Gras song. And then it was Boris Vian, and his name is a play on word because Boris Vian was a writer, a little bit of a singer, but more a poet and writer. And here is Boris Vian with an E at the end, which make it the word meat. So that was funny. It was traditional Cajun with Mardi Gras. All right, so the New Riverside Ramblers are going to be at the Eagle 34 this upcoming Saturday, and they are going to celebrate Mardi Gras. Also, I have two pair of tickets to offer for the upcoming show of Café Accordéon Orchestra at the Dakota Jazz Club, which is tomorrow, actually. So I don't know how that's going to fly, to be honest. So if you're interested, just send me an email, say that you want to see Café Accordéon Orchestra de Dakota. You can send it at bonjourminnesota@gmail.com. And the two first people who get it, who hit my inbox, will be able to have a pair of tickets to go see them. So it's tomorrow night, weather permitting. If they move the show, they might. I mean, the fact that Café Accordéon Orchestra is local might help, you know. I mean, they are more, it's easier to reschedule them than bands who are traveling and things like that a lot. But I've listened to them, I think, several times, less than the New Riverside Ramblers, but they are really good. And they have a lot of classics, French classics too. So they also have some Cajun music and a bit of jazz, but it depends on their mood. All right, so bonjourminnesota@gmail.com is where you want to send the email saying, I want tickets for the Dakota for Café Accordéon Orchestra. It's for tomorrow night. So tomorrow night will be, you know, Wednesday, February 22nd. And still snowing, according to people who are supposed to know about it. All right, well, let's start a little bit to talk about Black History Month. I mean, I don't have a speech. I don't have, like, anything, just music this year. So we're going to start with Josephine Baker, our French hero, who was part of the Resistance and, you know, one of the great performers. And the name of the song is Si J'étais Blanche, If I Was White. Then we're going to listen to another song called Collectif Tous Les Mêmes. Actually, it's not the same name of the song, it's the name of the band. And the name of the song is La Bonne Couleur, The Right Color. And they talk about skin color. And according to them, it's any color. And I agree with that. Then we're going to listen to Chris Combette. And he's going to sing Les Enfants de Gorée. And Gorée is in Africa, and it was a port of transit for slavery. I mean, the first port where slaves were going to the America. All right. That's what we call the triangle. I mean, for those who are not super into it, the triangle was like it was going from Africa to America, and then America to France, and France to Africa again. I mean, France or other countries, but, you know, like, France was one of the contributor of the business, and it sucks. But that's the way it is. We can talk about it now and stop it. All right, so on y va? C'est parti. Le teinte pâle de poupée blonde. J'aurais voulu le ressembler et j'ai disé l'air accablé, me croyant plus seule brune au monde. Je voudrais être blanche, pour moi quel bonheur, si mes seins, mes hanches changent de couleur. Les Parisiens à joint le pain se faisaient croire au soleil d'exposer leur rein pour être noir. Moi pour être blanche, j'allais me roulant parmi les avalanches en du Mont Blanc. Ce stratagème d'un Aveyron, j'avais l'air dans la crème d'un petit. Thank you.

Ai-je la bonne couleur? Pour eux, je ne crois pas. Tellement de douleur, jamais on n'oubliera. Ai-je la bonne couleur? Pour que la France ouvre ses bras. Oh, la bonne couleur, et celle qui nous réunira. On en est toujours au stade des cris de singes. Des noirs chez les bleus, ça dérange certains. Mais à eux étaient esclaves, ça faut être grave. Comme on nous mène en bateau. Si t'as pas la bonne, t'en verras toutes les couleurs. On parlera de bruit et d'odeur. Liberté, égalité, c'est ce qu'on nous matraque. Mais comme t'es au que faire quand la police attaque. Encore combien de ZIED et nah, on réclame justice pour Adama. Grillés sont les bavures, brûlés sont les voitures. On est français et on les emmerde. Ai-je la bonne couleur? Pour eux, je ne crois pas. Tellement de douleur, jamais on n'oubliera. Ai-je la bonne couleur? Pour que la France ouvre ses bras. Oh, la bonne couleur, et celle qui nous réunira. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des ors. Tant qu'ils auront des dogmes, il y aura des dogmes. Là où est la différence, sera l'ignorance. Et là où est l'ignorance, il y aura violence. Tant que la couleur de peau sera un problème. Par tous les cas, Kalachnikov éteindront sans gêne. Les récits de poèmes ainsi que la bohème. Aurait-il accepté si j'avais la problème? Ai-je la bonne couleur? Pour eux, je ne crois pas. Tellement de douleur, jamais on n'oubliera. Ai-je la bonne couleur? Pour que la France ouvre ses bras. Oh, la bonne couleur, et celle qui nous réunira. Ai-je la bonne couleur? Yeah. Ai-je la bonne couleur? Oh, ouais. Ai-je la bonne couleur? Ai-je la bonne couleur? Pour eux sur mon pas. Pour eux, non. Je suis noir et je compte le rester. Bomba clat. Et voilà, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio. And so this is Freddy, and I'm going to teach you a new French expression that's called s'emmêler les pinceaux. So kind of have the, if you have your pen brush mixed up, it's kind of an expression, which means you don't have your ducks in a row too. And basically I was right with, I mean, I was correct with Josephine Baker, Si j'étais blanche, but after that, I kind of jumped lines. So Collectif Tous les Mêmes is the was the second song, and the name of the song was Stop à l'esclavage, so Stop Slavery. And the third song was Colonel Reyel, who's from Martinique, you know, like the Martinique or Guadeloupe, I'm not sure, from Les Antilles. And he was the one singing La Bonne Couleur, and he's asking, do I have the right color, and, you know, experience racism and hate and that sort of thing. So we're going to listen to more music. Yeah, I mean, like, so tonight we did, I did three songs for Mardi Gras, and now the rest of the show is going to be until 10 o'clock, and it's going to be about Black Lives Matter in general, Black History Month, and songs about either Africa or slavery and racism and that sort of things, or discrimination. And talking about discrimination, Minneapolis PD has been kicked out and homeless camp and dumping their stuff everywhere, so in the middle of a snowstorm. So just so you know, that's part of the news. And when we talk about discrimination, we shouldn't be selective. I mean, it's discrimination for everybody, and we need to fight it where it is. So we're going to listen to Chris Combet with Les Enfants de Gorée, which I talked a little bit about. And then Daniel Forestal with La Prière de l'Esclave, the Slave's Prayer. And then Claude Guillard with The Gorée à Cayenne, from Gorée, so in Africa. I believe it's close to Senegal, but I will double check. And Cayenne is in South America, not very far from Argentina. And Cayenne used to be a French colony. It still is, but it used to be a French penitentiary as well, and it was very, very hard condition. So about the penitentiary, if you look at the movie called Papillon or Butterfly, you can learn more about it. But I mean, of course, that was one of the destination with Brazil where slaves were heading. All right, let's get going after these announcements. KFAI is proud to present Barn Dance at the Turf Club, featuring Trailer Trash and Friends every first Wednesday through May of 2023. In the spirit of the original KSTP Barn Dance, Barn Dance at Turf Club is hosted monthly by Trailer Trash, one of Minnesota's premier honky-tonk bands. Performances are recorded for broadcast on KFAI. Next month's special guest, Boy Howdy, performing at the Turf Club on Wednesday, March 1st. Tickets for Barn Dance at the Turf Club can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. Black History Month is a month-long awareness-raising action that highlights the contributions of African Americans, Black people, and Africans across the diaspora, including South and Central America and the world. Anita Poyner was born in Oakland, California on January 23, 1943, as the fourth of six children. In 1971, Anita would form a singing group with three of her siblings known as the Poynter Sisters. Anita's songwriting talents helped the group make music history when the song Fairy Tale became a hit on the country music charts, and the Poynter Sisters became the first Black female group to perform at the Grand Ole Opry. And they earned their first Grammy Award, winning Best Country Performance by a Duo or Group in 1975. Anita Poynter died on December 31st of 2022, but her family legacy lives on. KFAI has a strong tradition of celebrating Blackness with special programming in the month of February and amplifying Black voices of the African diaspora all year round. For more information on KFAI's Black History and Black Futures Month programming, follow KFAI on Facebook, Instagram, and Twitter for updates. Que tu sois de Guyane, de Guadeloupe ou de Martinique, les bateaux négriers qui sont partis des côtes d'Afrique ont déporté en Amérique ou jeté dans l'Atlantique les mêmes racines de ton histoire tragique. Embarqué du Congo, de Guinée ou du Sénégal, du Ghana, du Bénin et d'autres terres du littoral. Ces hommes et femmes à fond de cale, arrachés à leur terre natale, sont les toutes premières pages de ton journal. À la mémoire de ces hommes que l'on nomme, voient des peines que l'on enchaîne, oui. À la mémoire de ce peuple que l'on tient dans la géhenne des domaines. Je laisse aller ma peine et comme sur un requiem, je chante sans haine. On vient de Gorée aussi. On vient de Gorée. Quand on est enfant d'ici. Enfant d'ici. Si je suis d'ici, je suis. Je suis. Sans les ports du Havre, de Nantes, La Rochelle ou Bordeaux, ces navires pleins de pacotilles dessinent sur les flots. Entre comptoirs et mondes nouveaux, chargés d'esclaves ou d'indigo, le grand triangle de leur Eldorado. Et ces nations soumises à ce système que l'Église autorise, ces hommes et marchandises qu'on brutalise et qu'on épuise. Ces peuples que la guerre divise et ces terres que l'on déshumanise est aujourd'hui l'Afrique qui s'enlise. À la mémoire de ces hommes que l'on nomme

kote chembo. Oh, oh, oh, oh. Banga veye kote chembo. Pendant 150 ans, à force trimé sans bébé, où ni mia vini pouye baye liberté. Nous gangan libéré, la vie a commencé. Abolition l'esclavage. Alors, banga veye kote chembo. Banga veye kote chembo. Banga veye kote chembo. Banga veye kote chembo. Yetrime, sa fini. L'abolition l'esclavage. Vive à la joie, c'est fini. L'abolition, l'esclavage, vive. Moi disant, banga, veille côté tchembo. Banga, veille côté tchembo. Banga, veille côté tchembo. Banga, veille côté tchembo. Et voilà, voilà. We are back. And when I say we, I'm just by myself. So it's the King We. We just listened to three songs. The first one was from Chris Combet with Les Enfants de Gorée. Then after that, it was Daniel Forestal with La Prière de l'Esclave. And just now was Claude Guillard with De Gorée à Cayenne. And I looked it up real quick, and it turns out that, yes, Gorée is part of Senegal. And actually, it's part of the city of Dakar in Senegal. It's one of the arrondissements, but it's an island at sea. And so it's a little bit segregated and fairly small compared to the other arrondissements of Dakar, but it is in Senegal. And it was one of the ports where some of the slaves were kept before going on the ships. All right. One other thing, like I talk about the encampment and discrimination in general. So tonight is about Black History Month and talk about discriminations in general. And talking about slavery, I just watched a movie called Woman King. And that was a good one with Viola Davis and very anti-slavery statements. So we're going to keep on going. And just as a reminder, KFAI has a mission statement. And it's KFAI is a volunteer-based community radio that exists to broadcast information, arts, and entertainment programming for an audience diverse racial, social, and economic backgrounds by providing a voice for people ignored or misrepresented by mainstream media. KFAI increases understanding between people and communities while fostering the value of democracy and social justice. So, let's listen to more music. We're going to listen to Kerry James, who's a rapper but also actor. And we're going to listen to a song called Blues, and it's featuring Fefe. It's from his album Rap Encore from 2018. Then we're going to listen to Jean-Christophe Jehan with Esclavage and Le Bois d'Ébène, Ebony Wood. And then Serge Lama with L'Esclavage. All right, on y va. Rien n'a changé pour nous depuis Obama. Tu peux prendre une balle dans le cou quand tu t'appelles Fofana. Ton assassin plaidera la légitime défense. Pour eux t'es qu'un enfant illégitime de France. Ils trouvent à peu près convenable de t'appeler Bamboula. Ils asphyxient l'Afrique et ils se demandent ce qu'on fout là. Quand ils ramènent une coupe du monde un soir de juillet. Là l'homme noir est français. J'assène mes vérités comme des coups de fouet. Ce que tu fais, c'est du blues. Je ne cherche pas à faire le dupe de l'été. Je voudrais parler d'autre chose que de ma couleur. Crois-moi, défendre d'autres causes. Mais me noter au sol, on prend rarement de la hauteur. Notre avenir s'est noyé à gore. Il le ferait si le soleil pouvait pleurer. Quand un petit frère buté par les condés, la haine de l'homme noir sera jamais démodée. Être dans la peau d'un noir en France, c'est vivre une légende mal racontée. C'est être vu comme une sentence, ou pire exposé comme un trophée. Tellement de haine, seul l'amour pourra nous sauver. Tellement de peine, seul l'amour pourra nous sauver. Un blues pour briser le silence, celui des larmes qu'on jamais compté. Hey. J'aurai jamais la haine contre l'homme blanc. J'suis trop occupé à essayer de devenir un homme bon. Ma quête, garder l'équilibre quand le sol est tremblant. Tu vois, c'est comme garder la tête haute tout en tombant. Le bonheur c'est rare comme un rubis demande un homme noir qui finit esclave en Libye. Rentrez-vous bien dans le crâne qu'une Afrique fortifiée ne sera rien d'autre qu'une Afrique unifiée. Je ne serai jamais blanchi comme Michael. Pour eux, j'aurai la couleur du coupable jusqu'au linceul. On n'est pas bon qu'à faire le moonwalk, à chanter des singles. Un flingue dans la main, je suis pas le plus cool de la jungle. Hein? Je suis moins drôle qu'un blackface. Comme ce petit refrain qui rêve d'une ascension comme Scarface. La Méditerranée est devenue un cimetière. Combien de gosses m'a noyé dans les mers? Notre avenir s'est noyé à gore. Il le ferait si le soleil pouvait pleurer. Quand un petit frère buté par les condés, la haine de l'homme noir sera jamais démodée. Être dans la peau d'un noir en France, c'est vivre une légende mal racontée. C'est être vu comme une sentence, ou pire exposé comme un trophée. Tellement de haine, seul l'amour pourra nous sauver. Tellement de peine, seul l'amour pourra nous sauver. Un blues pour briser le silence, celui des larmes qu'on jamais compté. Hey. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Et voilà, we have two more songs to go, but I need to do the announcements, and I want to remind you that we have two pair of tickets for tomorrow night's show at the Dakota with Café Accordéon Orchestra with Dan Newton, Eric Morin, and many more. It brings to the Dakota an evening of dancing, the sound of swing, ballad, tango, cha-cha, rumba, and many more. A wonderful variety, varied show. So just send me an email at bonjourminnesota@gmail.com and tell me that you want a ticket for Café Accordéon Orchestra at the Dakota. And it will be yours. Your name will be on the list and you can go. So hopefully you won't have to drive too much, but because it might be a little bit snowy, but hey, you know, bring the moon boots. I'm sure they'll be okay with it. All right, well, let's listen to the rest of the song. We still have Jean-Christophe Jehan with Esclavage and Serge Lama with L'Esclavage. C'est un grand malheur que d'avoir embarqué les cris, les horreurs. Je ne peux les oublier quand je suis parti de la ville de Nantes. Je croyais chercher du bois de charpente, mais ce bateau vendait de la chair humaine. Dieu me pardonne. La route du bois d'ébène. Oh, oh, oh, oh, oh. C'est un grand malheur que d'avoir embarqué les cris, les horreurs. Je ne peux les africaine. J'ai vu des hommes enchaînés par dizaines, les malheureux sont traités comme des bêtes. La nuit, le jour, sans pitié, on les fouette. Chaque jour, et les plus faibles qui passent tour à tour. Oh, oh, oh, oh, oh. C'est un grand malheur que d'avoir mémoire me tourmente. Dès que je suis dans cette ville de Nantes, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. C'est un grand malheur. C'est un grand malheur.

tout le monde ensemble, le verbe vous dit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donner de votre cœur. Que de larmes, que de chiens. fierté d'être nègre réside chez tous les Haïtiens qui se souviennent des prouesses de nos ancêtres les martyrs pour nous conquérir cette terre Haïti. Accueillant n'importe qui avec fraternité. Le nègre, c'est un peuple jeune intrépide, le seul au monde à lever les yeux grands, même devant son seigneur, dire son patron. Pour lui, il n'a que du sang dans les veines. Mais par ce sentiment de fierté, je me suis fait l'interprète bénévole à chanter allègrement de naître notre race. Sans fier d'être de la race de Toussaint Louverture, le véritable père de la négritude, de Jean-Jacques Dessalines qui mène après lui la barre vers les rives glorieuses et ensoleillées, de Caprès la mort qui est à crier en avant, en avant, l'orme de la renverse de sa monture par Amboulet, de Baron Tonnerre qui, dans un élan de sublime admiration, a déclaré pour retirer l'arc de l'indépendance. Il nous faut la peau d'un blanc pour parchemin, son crâne de victoire, son sang pour encre et une baïonnette plume. Le nègre, c'est un peuple jeune intrépide, le seul au monde à lever les yeux grands, même devant son seigneur, dire son patron. Dans les veines, mais par ce sentiment de fierté, je me suis fait l'interprète bénévole à chanter allègrement le nègre notre race. Gloire soit à toi, grand Dieu, et tous mes remerciements. Pour m'avoir fait voir le jour, dans les entrailles, mon cœur s'abat, intrépide, grandissant, le nègre. Et voilà, voilà. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddy. And we just got the pleasure of listening to three songs. MC Solar with Les Colonies. Laurent Audena with Gémissons sous l'esclavage et rock séculaire, and l'orchestre Tropicana with Le Nègre, with Jordani J. Talking a little bit about Haiti. So, sounded pretty good. I mean, I really liked it. Talking about that, KFAI is going to celebrate Black History Month in on February 25th. 25 hours of black programming. So, That should be cool. All right. I wanted also to talk about the events. First I wanted to say congratulations to Christian to winning the Café Accordéon Orchestra ticket. One of the pair. I still have another one to go see them tomorrow at the Dakota Jazz Club. So if you want to go see them tomorrow, it's Wednesday. The 22nd, Dakota Jazz Club in Minneapolis, Nicolet Mall in downtown. And you just send me an email at bonjourminnesota@gmail.com, and I just need to know that you want the tickets. And I need a phone number too. I mean, I'm providing name, phone number, and email address to the Dakota, so that's pretty much what I need. All right, so it's one of the events tomorrow on February 28th. There is, it's Tuesday next week. The Alliance Française is organizing La Nuit des Idées, plus or more diverse. And that looks pretty interesting. So you can go on our Facebook page and you're going to have a much more lengthy description. Les visages de la francophonie. And, you know, they're going to talk about ideas in general. So if you want more details, you can go on our Facebook page or the Alliance Française Minneapolis Saint-Paul Facebook page or on their website, afmsp.org. There is a lot more events that are coming up with the Alliance Française, but they don't necessarily have a Facebook page. So, or Facebook event. So I recommend that you go to afmsp.org and then you look at the events. I'm going to do that. And when I come back after this set of songs, I'll talk about it. So we're going to listen to three more songs. The first one is from Papa Wemba and it's called Esclavage. Papa Wemba is from Congo, or the Republic Democratic of Congo. And then we're going to listen to Polo and Pan, or Polo et Pan, with Chasseur d'Ivoire, Ivory Hunter. And it's more electronic and more instrumental, but it's very nice. And then La Puissance is the name of the band, and Esclavage is the name of the song. All right, on y va. La sœur Maria Teresa. Kasi mopaya kinga mambo nyokoli na South Africa. Liberté, moi na ya Afrique. Eh na kolela, na kosenga, oya to simbani sinse matela, potoluka liberté. KFEI is proud to present the Café Accordion Orchestra at the Dakota on Wednesday, February 22nd. Dan Newton and the Café Accordion Orchestra brings to the Dakota an evening of dancing to the sounds of swing, ballads, tangos, cha-chas, rumbas, and cumbias to create a wonderfully varied show. Tickets for the Café Accordion Orchestra can be found at the Dakota website. Visit dakotacooks.com for more details. Thank you. ces couleurs d'Éden. Chasser mes troubles, chasser mes peines. Chasseur, chasseur d'ivoire, juste histoire d'ivoire. À la place des vieux féroces, l'éléphant et le rhinocéros. À la place de celle qui ment, le serpent mime le caïman. À la place des filles. L'esclavage encore dans le monde. Samuel Eto'o, c'est quoi le truc? Francis Dimba. Et si j'avais su que toi tu me détestais, je devais prendre le large que de finir en mien. Je m'imaginais pas que toi tu m'en voulais, au point de faire de moi un esclave de la terre. C'est sang qui coule dans tes veines, coule aussi dans les miens. C'est vrai, t'as la peau blanche, mais nous sommes tous des humains. Pourquoi tu m'en veux? Pourquoi tu m'en veux? Pourquoi tu m'en veux? Fais-moi une marchandise. Pourquoi tu m'en veux? Pourquoi tu m'en veux? Pourquoi tu m'en veux? Fais-moi un esclave. Pourquoi tu m'en veux? Pourquoi tu m'en veux? Pourquoi tu m'en veux? Fais-moi une marchandise. C'est mon tabac, tiens. C'est mon tabac, tiens. C'est mon tabac, tiens. Le diable mon tabac, tiens, chapeau. Le diable mon tabac, tiens, chapeau. Le diable mon tabac, tiens, chapeau. Le diable mon tabac, tiens, chapeau. Il tue nos frères à sang froid. Il tue nos sœurs à sang froid. Il illumine nos frères à sang froid. Il nous élimine. Le diable monte à battre un chapeau. Le diable monte à battre un chapeau. Le diable monte à battre un chapeau. Le diable monte à battre un chapeau. Et si j'avais su que toi tu me détestais, je devais prendre le large que de finir en mien. Je m'imaginais pas que toi tu m'en voulais, au point de faire de moi un esclave de la terre. Ce sang qui coule dans tes veines coule aussi dans les miens. C'est vrai t'as la peau blanche mais nous sommes tous des humains. Yeah. I'm not a slave. This ain't what I'm gonna be. I'm esclave. African music station. Le diable monte à battre un chapeau. Le diable monte à battre un chapeau. Le diable monte à battre un chapeau. Le diable monte à battre un chapeau. Il tue nos frères à sang froid. Il tue nos sœurs à sang froid. Il élimine nos frères à sang froid. Il nous élimine. Il nous élimine. The internet geeks at IP House are proud supporters of Fresh Air Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Et voilà, voilà. So we just listened to three songs. The first one was from Papa Wemba with Esclave, Slave. The second one was from Polo and Pan, or Polo et Pan, who came in the Twin Cities about 2-3 years ago. Probably three, because it was before the pandemic. At first half, it was great. The name of the song was Chasseur d'Ivoire, Ivory Hunter. And they were having a play on word, you know, Histoire d'Ivoire, you know, it means in the song lyrics saying Histoire d'Ivoire means like if we can see something. Then after that, like just now, it was La Puissance with Esclavage. And we're going to listen to more songs, but I wanted to talk a little bit about the events. So as I was saying, there's not that many Facebook events, so I typically like to rely on those, but the Alliance Française has, Minneapolis Simple has quite a few events, so you can check them out at afmsp.org. And I mean, you click on the event link, and one of the one that's still ongoing is the one for D'après Moi. It's an exposition of Isabelle Skoug and Dana Joram, and it's a painting. And so, you know, as long as the Alliance Française is open, so don't go tomorrow, nor Thursday. But when the offices of the Alliance Française are open, the gallery is open and you can take advantage of it. It's a painting from different perspectives using the same list of prompts. And they have other events about perfume and cassoulet. And I talked about La Nuit des Idées, but what you have to keep in mind is starting on March 2nd. It's a Thursday, Mois de la Francophonie, and it's Bienvenue à Madagascar. So that's going to be a month long. It's just the opening, but there's going to be more after that. So there's going to be like, I mean, that specific night, it's from 6 to 8. And they said there's going to be food and traditional music and with remarks from the Embassy of Madagascar in Washington. And after that, there's going to be more. There's going to be a photo exhibition from March 2nd to April 1st. Something on Friday the 3rd called Language and Migration. So that's going to be a discussion that should be very interesting. All right. Well, let's listen to the last song of the night. We have about 15 minutes before Balkan Jamboree. And after that, I will go home. So just a reminder, if you miss part of the show or if you want to listen to the sound of my voice again, I'm just kidding about that. But if you missed the beginning of the show and or one night you missed the show, you know, because Tuesday's busy or whatever, if you go on kfai.org/bonjourminnesota, you can, or you know, you go to the program, listen programs and Bonjour Minnesota, you can listen to the archive. Otherwise, if you search Bonjour Minnesota on archive.org, and all the shows are stored there as well. So you can listen to the full 2 hours at your convenience. So we're going to listen to three songs, and I'm going to change a little bit the order because, no, actually I'm not. We're going to listen to Sobregaz with Toi Esclavage, You Slavery. Then we're going to listen to Tiken Ja Fakoly. And this guy is excellent. And I recommend Tiken Ja Fakoly. I recommend it. It was recently, I listened to a concert of him on Arte. So it's a lot of reggae and it's very social. I mean, talks about his slavery, but he talks about, you know, climate change and other things. So this song is called Il faut se lever, chante contre l'esclavage. We have to rise up, sing against slavery. And then we're going to end that series with Francesca Soleville, who was a singer, quite activist in the 60s and later on. And the name of this song is Complainte pour Angela Davis. So it's talking about Angela Davis, obviously. All right, on y va. Point de départ, l'île de Gorée, où des gens attendent enchaînés, qu'on vienne un beau jour les libérer. Espoir,

blancs. Elle a crié hola contre les maîtres blancs. Elle a crié hola. Elle affronte les blancs. Elle unit tous les hommes dans le combat final contre le capital pour notre liberté. Angela, Angela, il pouvait la ainsi qu'ils avaient fait pour Jackson, son ami. Nous avons répondu à l'appel d'Angela et la voilà sortie de sa prison de mort. Sois heureux d'Angela, de toi nous sommes fiers. Continue ton combat, nous veillerons sur toi. Angela, Angela, n'a plus fait ressemblant. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. Il était une fois un continent pris en otage qui se demande pourquoi il ne peut pas sortir de sa cage. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever. On cherche le bonheur dans les cartes, on cherche mais on ne le trouve pas. Pourquoi faut-il toujours qu'on parte alors que l'Eldorado est là? On veut voler de nos propres ailes, c'était le rêve de nos aïeux. Elle n'est pas si loin l'étincelle, il suffit qu'on ouvre les yeux. Il faut se lever, lever. Se lever, lever, lever pour changer tout ça. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. N'ayons pas peur de l'ouvrage, les tours reprendra zéro. N'ayons pas peur, tournons la page pour construire un monde nouveau. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Et voilà, voilà. So you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. And this is Freddy. And it's the end of the night. For me, it is only 4 minutes left. So we celebrated Black History Month through a lot of songs in French about slavery. Songs coming from different people, different countries. And then, so we listened to Sobregas with Toi Esclavage, You Slavery. And then Francesca Soleville with Complainte pour Angela Davis. and Tikenja Fakoly with Il faut se lever. Very good. Very good song, album, our list. All right, well, on this note, I'm going to leave you with one last song from Alpha Blondy. I can't speak tonight. Better I driving than speaking because I got to go home. But so we're going to listen to finish with Alpha Blondy with Sale Raciste, Dirty Racist. And then it's going to be time to go. So at 10 o'clock, Balkan Jamboree is going to start. And as I remind you, you can listen to the archive and you can follow us on social media, especially Facebook. I do Instagram too, but it's not as easy to, you know, talk about events and post some things. Just follow us and you'll be aware of what's going on. Same deal for French Influences Radio Show Therapy, which is a web show that I'm doing every other week and where I play different songs. So it's a little bit more variety, and because it's a web show and hosted on Mixcloud, French Influences Radio Show Therapy, you can listen to it wherever it's, whenever it's convenient for you. All right, let's go with Alpha Blondy. Ce raciste hors de nos terres. Chasser ces racistes hors de nos terres. Nous avons planté le cacaoyer. Nous avons planté le café. Et mon peuple, avant moi, esclave de vos rois. Me regarder avec haine, tandis que tu manges ton pain à la sueur de mes peines. Nous allons chasser, chasser ces maudits racistes hors de nos terres. De nos pères, vous avez fait vos guerres, pillez nos matières premières, vous êtes à l'origine de notre misère, vous êtes l'origine de notre galère, avec haine et mépris.